C'est l'Alaska. Personne ne part jamais vraiment d'ici. Amazon vous livre la saison 4 de True Detective Night Country. Mon boulot, c'est de protéger tout le monde. Avec Jodie Foster et Cal Iris. J'ai déjà vu ça. True Detective Night Country est à découvrir sur le Pass Warner avec un abonnement supplémentaire en exclusivité sur Prime Video. Profitez d'un essai offert de 7 jours. France Inter. Dans le tumulte de la Révolution française. L'épisode 4 nous entraîne en 1791, quand notre héroïne s'apprête à rédiger sa célèbre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. De la Révolution française, Olympe de Gouges aurait sans doute partagé la vie tranquille et sans éclat de la petite bourgeoisie du XVIIIe siècle. Mais en 1789, cette femme originale, déjà écrivaine et dramaturge, est sortie de la sphère privée, où jusqu'alors la cantonnait son sexe, pour se lancer avec passion dans la chose politique. Tout semblait enfin possible. Comment aurait-elle pu résister ? Olympe de Gouges, bien sûr, c'est sa célèbre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce texte, encore aujourd'hui, d'une subversive modernité pour les femmes du monde entier. Mais cette féministe avant la lettre participa à tous les débats de la Révolution, combattant avec talent et courage pour l'abolition de l'esclavage, pour le respect de tous les droits humains, mais aussi contre la corruption, la censure et la dérive violente de la terreur. Une témérité qui, en 1793, lui vaudra la guillotine quand la Révolution, qui l'avait pourtant émancipée, la punira d'avoir, je cite, « oublié les vertus qui conviennent à son sexe ». France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Olivier Blanc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique et sociale de la fin du XVIIIe siècle et auteur de plusieurs ouvrages sur Olympe de Gouges, des ouvrages qui ont permis de mieux la connaître. Et vous faites partie de ceux aussi qui, depuis plusieurs années, se mobilisent pour l'entrée de cette femme au Panthéon. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Olivier Blanc, la postérité d'Olympe de Gouges a longtemps été malmenée, méprisée au XIXe siècle, moralisateur, qu'on soit carrément oubliée. Pour quelles raisons ? C'est une femme inclassable ? Écoutez, c'est une femme d'avant-garde et probablement il a fallu attendre longtemps pour qu'elle trouve une vraie reconnaissance, comme aujourd'hui, maintenant, non seulement en France mais dans le monde. Mais sa personnalité forte, ses combats humains pour donc l'amélioration du sort des hommes en général et des femmes en particulier sont aujourd'hui tout à fait reconnues d'actualité. Ouais. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1791, en septembre exactement, en pleine révolution donc. Olympe de Gouges a 43 ans. Alors, pour bien comprendre qui elle est et comment elle en est arrivée là, pouvez-vous, Olivier Blanc, nous rappeler comment cette femme, née à Montauban en 1748, est entrée en révolution ? Bien, écoutez, Olympe de Gouges, c'est une femme de la petite bourgeoisie montalbanaise qui a eu une éducation assez sommaire, mais qui était une femme très indépendante et très ambitieuse, on peut dire. Elle avait envie que sa vie ait un sens, et en tout cas, elle a cherché à lui donner un sens. Et il se trouve que on l'a mariée contre son gré, comme c'était le cas de la plupart des jeunes femmes de son milieu et à cette époque, avec un homme donc qui probablement était violent. En tout cas, le mariage a été une catastrophe, elle le reconnaît. Et très rapidement, elle va... Elle s'enfuit. Elle s'enfuit, en fait. Avec son enfant. Voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le mari est probablement mort. Et elle arrive à Paris, elle est veuve. Et la sœur d'Olympe était à Paris également. Donc les deux sœurs avaient un goût de l'indépendance. La sœur est devenue négociante et Olympe a entrepris d'écrire des textes, des pièces de théâtre, de devenir auteur et de gagner sa vie d'une manière honorable. Alors, oui, elle a des amants. Mais elle ne veut pas se marier. Alors, elle est très jolie. Elle est très indépendante. Elle veut pas se remarier parce que elle a une expérience du mariage qui ne la satisfait pas. Et donc, elle va avoir une liaison maritale avec un haut fonctionnaire de la marine, Jacques Biétrix de Rosières, qui a une assez grosse fortune en réalité. Et il constitue en faveur de Olympe et de son fils, parce qu'elle a eu un petit garçon de son union avec Aubry à Montauban. Et il constitue une rente viagère qui va permettre à Olympe donc d'avoir un revenu régulier qui n'est pas extraordinaire, mais enfin qui lui permet d'avoir un standing, on va dire, de la bourgeoisie moyenne parisienne. Donc elle vit dans de plutôt bonnes conditions. Donc elle se met à écrire des pièces et même à jouer. Elle montait son propre théâtre en 1782. Oui. Sa première pièce, Zamor et Mirza, dénonce l'esclavage des Noirs. Elle sera créée à la Comédie-Française en 1789. Elle prend déjà des risques, elle se bat contre le parti des colons et de la traite. Absolument, c'est son grand combat. En réalité, on pense toujours que la question des femmes a été primordiale pour elle, mais en réalité, elle dit que la question des Noirs, de l'esclavage, a été vraiment le combat de sa vie, son grand combat. Et elle a écrit une pièce de théâtre, en effet, qui a été jouée à la Comédie-Française en 1789, et d'autres textes pour lesquels elle demande un débat à l'Assemblée nationale pour que la traite des Noirs soit aboli et l'esclavage aboli en France. Et pendant la Révolution, Olivier Blanc, comment ça se passe entre 1789 et 1791 ? Écoutez, à ce moment-là, elle bénéficie de la possibilité de s'exprimer. La censure a été levée en 1789. Oui. Elle va à nouveau s'abattre en août 1793. Et dans ce laps de temps, Olympe de Gouges va prendre la parole. Elle va pas attendre qu'on lui donne. Elle demande pas la permission. Elle s'exprime. Et elle commence dès 1788, d'ailleurs, avant même que la censure soit levée. Et elle va publier des textes assez forts, en fait, quand on les compare avec d'autres de la même époque, et son engagement politique est très important, en fait. Elle est d'ailleurs la seule femme de cette époque-là à avoir eu un engagement aussi long, aussi continu, et qui font que vraiment, elle est un peu l'ancêtre de la femme politique d'aujourd'hui. Elle ne peut pas être députée parce qu'elle est une femme, mais en revanche, elle a le droit de s'exprimer, et elle le fait énormément. Absolument. Elle, pour elle, la liberté d'expression est vraiment la première chose, elle y tient énormément. Elle en parle dans le dernier texte qu'elle écrit avant d'être exécutée, elle parle de la liberté d'expression qui a été bafouée par les révolutionnaires de 93, qui effectivement ont censuré un certain nombre de journaux de la mouvance girondine à laquelle elle appartenait. Olivier Blanc, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, oui. Olympe de Gouges, une femme en politique, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, réalisation Baptiste Guiton. Les tribunes sont pleines, on ne veut pas me laisser entrer. Impossible de savoir où en sont les députés. Notre constitution, enfin. Je suis si impatiente. 3 ans que j'écris contre l'injustice et l'indifférence à la misère. Ça, nous pouvons être fiers de notre révolution. Et enthousiastes. La constitution doit être à la hauteur. Acter l'égalité des droits entre tous, quelle que soit sa couleur de peau, homme, femmes, riches, pauvres. Alors, Louis XVI sera un exemple pour tous les potentats de la Terre. C'est ce que j'en attends, et c'est ce soir que tout se joue. 3 septembre 1791. Le soir tombe sur le jardin des Tuileries à Paris. À 43 ans, Olympe de Gouges est réputée pour ses pièces de théâtre sur des sujets d'actualité tels que l'esclavage ou le divorce. Cette habituée de la Société des Amis des Noirs, du Club des Jacobins et de la Société Patriotique des Amis de la Vérité, exclusivement féminine, suit également les débats de l'Assemblée nationale qui se réunit dans la salle du manège près du Louvre. Ce soir, les parlementaires ont finalisé la Constitution et maintenant, ils quittent l'Assemblée. Olympe voit venir à elle son vieil ami Louis-Sébastien Mercier. Tous deux auteurs de théâtre, ils se connaissent depuis longtemps. Célèbre pour ses tableaux de Paris, Mercier a fondé en 1789 une gazette très populaire, Les Annales Patriotiques, où il rend compte des débats de l'Assemblée. Ah, Olympe ! Mon cher Louis-Sébastien, mon frère, c'est un grand jour. Tu as la version définitive ? Asseyons-nous sur ce banc. Je suis épuisé. Tiens. Lis. Ah, Olympe. Ça, oui, c'est une journée mémorable pour la France. Je dirais mieux, pour l'histoire du genre humain. Aucun peuple ne l'a fait avant nous. Cette constitution est le fruit d'une histoire de 60 siècles. Tout ce que les hommes éclairés par l'intérêt général ont pensé y est prévu. Y a rien sur les femmes. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, bah, sans doute. Mais dans les faits, la liberté de la femme est limitée par la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. La liberté, c'est l'égalité. Oui, bien sûr. Il faudrait aller plus loin, en finir avec le despotisme. Proclamer la République. J'en tiens pour les Jacobins. Braves et courageux Jacobins, ils le feront. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais tu devrais être ravie, Olympe. La voilà, ta monarchie constitutionnelle. Louis, les républicains disent que je suis aristocrate, les monarchistes que je suis démocrate. Moi, je ne suis d'aucun parti. Il n'y a que le bonheur public qui m'importe. Alors pourquoi sembles-tu si dubitative ? Mais comment ne pas l'être ? C'est comme si les femmes n'existaient pas. Quand aurons-nous le droit de vote ? Il faut en prendre son parti, c'est ça ? Bon, dis-moi, cette constitution a-t-elle été présentée au roi ? Oui, il dit qu'il va l'examiner. Il faut qu'il l'accepte. Même si elle amoindrit le pouvoir royal tout en le conservant et que cela pourrait produire un gouvernement monstrueux. Bien sûr, ce texte a des imperfections. Mais c'est qu'il est de la main des hommes. Olympe, aujourd'hui, le peuple voit la fin de ses malheurs. La révolution est finie, petite sœur. La révolution est finie, mais non. Rien sur la condition des Noirs, rien sur le droit des femmes. Les nouvelles lois, le royaume bouleversé, tout est vain si les femmes ne prennent pas part au débat politique. Voilà pourquoi j'écris ce texte. Il nous faut une révolution philosophique. J'avais prévu une brochure de 3 pages et voilà que j'en suis déjà à 24. J'ai ajouté une adresse à la reine, un commentaire sur l'abolition de l'esclavage et aussi un modèle de contrat social entre l'homme et la femme. On s'unit le temps qu'on s'aime, on partage ses biens et si l'on se sépare, chacun reprend sa part. Bon, il faut terminer. Ce soir du 14 septembre 1791, Olympe écrit dans l'urgence. Depuis peu, elle vit à Auteuil, un village à quelques kilomètres de Paris. C'est là, dans les maisons de campagne des grands bourgeois, que se réunissent députés et membres de la Constituante, partisans d'une monarchie constitutionnelle. Olympe, réformiste, partage leur position politique modérée. Elle est très proche de Sophie et Nicolas de Condorcet, ce mathématicien devenu député de Paris qui appartient au groupe des Républicains girondins. Le couple a écrit un livre sur l'accès des femmes à l'instruction et aux fonctions publiques, intitulé « Sur l'admission des femmes au droit de cité ». Olympe fréquente leur salon, mais depuis la publication de la Constitution, elle ne sort plus de chez elle. Oui ? Olympe, 11 jours qu'on ne t'a pas vue. Tu me déranges, Sophie. Je dois corriger les épreuves de mon livre d'ici demain. On ne peut pas se satisfaire de cette constitution. Qu'est-ce que tu lui reproches ? Moi, j'ai lieu d'être déçue. Je voulais une constitution républicaine. Cela dit, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme y est respecté. La garantie des droits et la séparation des pouvoirs. L'exécutif au roi, le législatif à l'Assemblée, ça ira. Oui, mais le mot citoyenne n'y figure pas. Et tu le sais bien, pas de droit civique, c'est pas de droit du tout. Regarde, par exemple, ce matin, j'ai pris une voiture pour aller chez l'imprimeur d'abord et ensuite au bain, rue du Temple. Une course 1h15 en tout. J'ai payé le cocher pour 1h30, mais lui, il s'est obstiné à me réclamer 2h. Oui, ils font toujours ça. Tu as porté plainte ? Oui, et le juge de paix s'est moqué de moi. L'affaire devrait être portée à l'Assemblée nationale, sans doute. Si j'avais été son égal en droit, il n'aurait jamais osé me parler comme à une enfant. Qu'est-ce que nous, les femmes, avons gagné à la Révolution ? Tu peux me le dire ? Mais beaucoup ! Avec l'article 7 de la Constitution, le mariage civil. Tu sais bien que le mariage civil ouvre la voie à l'obtention du divorce. Ouvre la voie. Mais ce qu'on veut, c'est l'égalité. À quoi bon mettre en tête de la Constitution la Déclaration des droits de l'homme ? Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est faux. Peut-être. Nicolas l'appelle la Déclaration des droits de l'homme blanc. Mais oui. Dire les hommes, cela semble englober tout le genre humain. En réalité, ces mots ne désignent pas tous les hommes, ni non plus les femmes. Alors imagine un peu. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Olympe, tu veux constituer une assemblée nationale de femmes aussi ? Pourquoi pas ? Article 2. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Tu y vas fort. Mais oui, et ce n'est pas tout. Article 3. Le but de toute association politique est la conservation des droits de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité et surtout la résistance à l'oppression. Voilà ce que je suis en train d'écrire, Sophie. Montre. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Quelques jours plus tard, Olympe de Gouges imprime à ses frais cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle propose de la lire à l'Assemblée nationale, mais elle essuie un refus. Sans relâche, dans des brochures publiées à compte d'auteur qu'elle adresse à chaque député et à tous les journaux, Olympe dénonce la corruption et réclame le droit au divorce et le droit de vote. Elle devient une figure publique. En mai 1792, l'Assemblée débat de la hausse des prix qui provoque la famine. Famine qui elle-même provoque des mouvements de colère du peuple. À Étampes, le maire de la ville, Guillaume Simoneau, qui tentait de protéger des fermiers et des maraîchers menacés par une foule révoltée, a été assassiné d'un coup de fusil. Craignant une rébellion générale, les députés décrètent un hommage national au maire d'Étampes. Mais les femmes sont exclues de ces manifestations officielles. Olympe décide de revendiquer ce droit et le 12 mai, pour la première fois, une femme monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Messieurs, Simoneau est mort à son poste, martyr de la loi. Je me présente devant vous avec une pétition patriotique signée par des femmes. Elles demandent à participer à l'hommage national rendu à Simoneau. Législateurs, si vous nous refusez de défiler sur le champ de Mars, souvenez-vous que chez les peuples antiques, les femmes couronnaient ceux qui mouraient pour la patrie. La Grèce avait des sages, la France a des philosophes et des hommes libres. Ouvrez-nous la barrière de l'honneur et nous vous montrerons le chemin de la vertu. Quelle idée j'ai eue de prendre la diligence, il y a du monde. Les députés ont applaudi mon discours. N'empêche, certains ont dit que la place d'une femme n'est pas à la barre de l'Assemblée nationale, mais chez elle, à cultiver la vertu en silence. Ah, en finir avec ce silence. Prendre la parole, défiler dans les rues, et que chacun voit que les femmes œuvrent au bien public. Mais monsieur, je la connais, moi, cette Olympe de Gouges. Et comment ? Qu'est-ce qu'il raconte, ce voyageur ? Il parle de moi ? Enfin, une Olympe de Gouges ne peut penser un mot de ce qui s'imprime sous son nom. Ses ouvrages ne sont pas d'elle. Ah oui ? Permettez, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Voyons, madame. Il y a trop d'énergie et de connaissance des lois dans ses écrits. Ce n'est pas le travail d'une femme. Et selon vous, une femme est incapable d'écrire pour le bien de la patrie ? Quoi, madame ? Abolir l'esclavage des Noirs, donner le droit de vote aux femmes, c'est là le bien de la patrie ? Tout bon citoyen doit donner ses idées pour améliorer le sort de tous. C'est une humaniste. Enfin, je crois. Ne croyez pas ça, madame. Je la connais. C'est une femme-homme qui veut politiquer. Regardez-moi bien, monsieur. Vous voyez, comme je garde le calme d'un philosophe en écoutant vos sots discours. Je suis cette madame de Gouges que vous dites connaître et n'avez jamais connue. On trouve beaucoup d'hommes de votre espèce, monsieur, mais sachez qu'il faut des siècles pour produire une femme comme moi. 3 juin 1792, jour de l'hommage national au maire d'Étampes. La garde nationale et les députés défilent, suivis d'un cortège de femmes vêtues de blanc, menées par Olympe de Gouges. Une première. Cette année-là, le droit au divorce, l'égalité en matière de succession et la reconnaissance civile sont accordés aux femmes. Olympe voit croître sa notoriété et depuis quelque temps, elle fait imprimer ses idées politiques sur des affiches de couleurs apposées dans les rues. Cet été 1792, elle part en province pour suivre une tournée de ses pièces de théâtre. Pendant ce temps à Paris, après l'insurrection du 10 août, la monarchie est abolie sous la pression populaire. Les élections de mi-septembre désignent 749 députés, 200 montagnards, 160 girondins et 389 centristes. La première république est née. Quand Olympe revient fin septembre à Paris, elle quitte Auteuil pour s'installer sur l'île de la Cité et se rapprocher ainsi de l'Assemblée nationale. Les députés débattent des événements du 2 septembre. Dans les prisons parisiennes, les révolutionnaires ont sommairement exécuté plus d'un millier de royalistes. Olympe, proche des Girondins opposés à toute violence, lance une polémique contre Robespierre et fait placarder une affiche rouge où elle l'accuse d'encourager le peuple au meurtre. Ce 5 novembre 1792, Robespierre a prononcé un discours à l'Assemblée. « Le sang fait les révolutions », a-t-il dit. « Eh bien, je vais le prendre à partie. Et comme je suis naturellement gai, ce sera sur le ton de la fable. Faisons parler les animaux, ils ont plus de cœur que nous. » Pronostic sur Maximilien Robespierre par un animal amphibie. Je suis un animal sans pareil. Je ne suis ni homme ni femme, mais je suis loyal et sensible et je te parle, Robespierre. Le peuple français, à présent républicain, ne deviendra pas un peuple d'assassins. Que veux-tu ? De quel sang as-tu soif ? Et toi, peuple de Paris, pour qui je prends la plume ? Défends la République, c'est ton ouvrage. Et garde-toi de céder au crime. Ceux qui provoquent le meurtre veulent la guerre civile. Ô mes concitoyens. Madame, avez-vous vu le chien ? Justine, si tu veux rester à mon service, il va falloir frapper avant d'entrer. Et non, je n'ai pas vu le chien. Excusez-moi, mais avec les chats, les serins, de ci, de là, je ne sais plus où donner de la tête. Et le perroquet, donc. Et tu penseras à suspendre un pot sur la fenêtre pour les moineaux. Il gèle la nuit. Et le rossignol, il a chanté ? À pleine gorge. On dirait Robespierre à l'Assemblée. Tu l'aimes, Robespierre ? Il sert la Révolution, défend nos intérêts. Ceux du peuple s'entend. J'en conviens, mais les massacres, il ne les a pas arrêtés. Ça, madame, quand Paris est en colère, qui peut l'arrêter ? Les aristocrates complotent contre la Révolution. Alors le 2 septembre, couic ! Vous savez, même les Parisiennes réclament le droit de s'armer à l'heure qu'il est. Des femmes, porter le poignard et la mort. Tu sais, Justine, le sang, même celui des coupables, souille éternellement les révolutions. Quand même. En 89, les hommes ont pris la Bastille, mais ce sont bien les femmes de la Halle et du Faubourg Saint-Antoine qui ont ramené le roi à Paris. C'est elles, les braves ! Mais vous ne seriez pas royaliste ? Pourquoi dis-tu cela ? Je suis née républicaine et je mourrai républicaine. Si j'ai défendu la monarchie constitutionnelle, c'est que je redoutais les malheurs qu'entraînerait la chute du roi. Et c'est ce qui se passe depuis le 10 août. Mais madame, en prenant les Tuileries, ils ont sauvé la patrie. Louis XVI et tous les royalistes marchaient avec les Prussiens. Qu'est-ce que tu dis là ? Je dis qu'ils ont trouvé une armoire secrète. Et dedans, tout un tas de lettres à nos ennemis. Le roi fomentait avec les émigrés royalistes un coup de force contre la patrie. Le roi faisait double jeu ? Et moi qui l'ai soutenu en bonne citoyenne ? Début décembre 1792, la correspondance secrète de Louis XVI avec les puissances monarchistes en guerre contre la France est rendue publique. C'est un choc. Le procès de Louis XVI débute le 11 décembre dans une tension extrême. 4 jours plus tard, alors que la nuit tombe, Olympe emprunte le pont neuf d'un pas vif. Le sort de la nation est suspendu à l'issue du procès et elle se presse vers l'Assemblée rejoindre son ami Louis-Sébastien Mercier, élu en septembre député girondin de Seine-et-Oise. Je me suis trompée. Oui. Le roi est traître à notre patrie. Il s'entendait avec l'ennemi et ce procès est nécessaire. Mais les députés ne doivent pas voter la mort. Ce sera la guerre civile. Ah, quelqu'un sort de l'Assemblée. Oui. Alors, où en est le procès ? Olympe, le combat est terrible, entre les députés qui veulent la mort et les autres. Et même quand nous aurons voté, je crois l'opposition si absolue que la haine restera. Mais les centristes sont majoritaires. Ce sont eux qui décident. Ils se sont prononcés ? Ils sont divisés. D'un côté, les Girondins, qui disent que c'est un homme qu'on juge et demande le sursis. De l'autre, les Jacobins. Pour eux, le roi incarne le principe même de la monarchie. Il faut donc l'anéantir. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense... Mais tu l'as vu jouer la comédie. Le roi a prêté serment à la Constitution et en même temps, il appelait l'étranger à nous envahir et méditer comment nous égorger. Il s'est parjuré devant le peuple sans rougir. Qu'est-ce que tu veux, Olympe ? Le roi mérite la mort. Même si tu sais très bien que je suis contre la peine de mort. Alors il faut que cette lettre soit lue à l'Assemblée. Je viens de l'écrire. Tu peux la lire ? Citoyen président, L'univers a les yeux fixés sur le procès du dernier roi des Français. Je suis loyale républicaine et je crois Louis fautif comme roi. Mais dépouillé de ce titre, il cesse d'être coupable aux yeux de la République. Je m'offre pour être son défenseur. L'héroïsme est aussi la part des femmes. La Révolution en offre plus d'un exemple. Comment ? Tu veux te faire l'avocat du roi, Olympe ? Tu sais ce que tu risques ? Oui, mais écoute ma ligne de défense. Si j'obtiens le sursis, on conduira toute la famille royale à la frontière face à l'ennemi. Et là, soit les monarchies européennes reconnaissent la République française et cessent la guerre, soit on exécute toute la famille. Oh. Olympe, c'est habile, je le reconnais, mais je tremble pour toi. Tu veux vraiment que je transmette cette lettre ? Olympe, il est encore temps de reculer. Je n'ai pas peur, Louis. La lettre d'Olympe de Gouges est lue à l'Assemblée, mais sa proposition est rejetée. Le roi est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793. Le 23, Olympe assiste au Théâtre de la République à la première de sa pièce, L'entrée de Dumouriez à Bruxelles. Elle l'a écrite dans l'élan patriotique de la victoire républicaine à Valmy contre les monarchies coalisées. Mais dans l'opinion publique, Olympe est devenu le défenseur de Louis Capet. Ce soir-là, la pièce est huée et quitte l'affiche. Par ailleurs, Olympe se retrouve très endettée. Elle vit d'une rente sur un capital de 50 000 livres, placé en son nom par un ancien amant. Mais depuis 1789, pour publier ses pièces, ses écrits politiques et ses affiches, ses revenus ne suffisent plus à payer son imprimeur. Ce 3 mars 1793, elle a engagé ses bijoux au Mont de Piété. Peu importe, je sacrifie tout à la patrie. Il me reste la noblesse de mes sentiments. Je veux servir l'esprit public. Aucune cause n'est plus belle que la cause du peuple. Et il est en danger. La patrie est au bord de l'abîme, partout des potences sont dressées dans les rues. Si le despotisme venait à prendre le dessus, adieu la liberté des citoyens, adieu les droits de l'homme, le peuple doit être averti. Où en étais-je ? Citoyen, que deviendra aux yeux de l'Europe entière cette révolution dont nous étions si fiers ? Cette affiche-là, je la veux en jaune, bien visible dans la rue. Donc, l'esprit de 1789 doit renaître pour effacer l'esprit du 2 septembre. Entre, Justine. Ah, madame, vous allez être contente. La monarchie avait le visage du roi, eh bien la République, regardez le journal. Une femme, avec son bonnet phrygien. Et qu'est-ce que ça nous apporte, tant que le suffrage soi-disant universel n'est que masculin ? Montre-toi à la monarchiste ! Tu entends ? Ça vient de la rue, non ? Elle a voulu sauver la tête du despote, la copine. Fricote donc des pantalons pour nos bras sans culotte. Je descends. Madame, non, n'y allez pas ! Viens par là, la monarchiste. Mais que voulez-vous ? Lâche-lui les cheveux ! Espèce de brute ! Quoi ? Tu lui mets le couteau sous la gorge ? Tu vas pas l'assassiner ? Ah, 24 sous la tête de Madame de Gouges ! Qui en veut ? 24 sous une fois ? 24 sous deux fois ? Mon ami, je mets 30 sous et je vous demande la préférence. Ça fait de l'esprit, hein ? C'est un avertissement. À bon entendeur, salut ! Oh, madame, j'ai eu tellement peur. Tu as été très brave, Justine. Tu vois, je n'ai écrit que pour le peuple et voilà qu'il veut m'assassiner. J'ai nommé les auteurs de son malheur, les capitalistes calculateurs, les plutocrates. J'ai donné 100 projets à la Révolution pour remédier à sa misère. Ouvrir des ateliers d'État pour les chômeurs, donner les terres en friche aux paysans. J'ai même rédigé un projet d'impôt sur la fortune pour ouvrir des maisons du cœur, comme je les appelle, ou secourir les vieux, les femmes avec enfants, les meurs de faim. On reçoit mes écrits, mais je suis une femme et on n'en tient pas compte. Le peuple ignore tout de moi, Justine. Et maintenant, il veut ma mort. À quoi bon écrire encore ? Moi, j'abandonne, je vais quitter Paris. Un mois plus tard, les deux femmes prennent la route de Tours, où habite le fils d'Olympe, Pierre, avec sa femme et ses deux enfants. Pierre est absent. Officier d'état-major dans l'armée, il s'est rendu à Paris pour recevoir sa nouvelle affectation. Jacobin convaincu, il est envoyé en Vendée combattre les royalistes. À 15 km de Tours, en bord de Loire, au clos Figuier, Olympe achète une modeste chaumière pour s'y retirer et échapper aux menaces de mort. Mais le 3 juin 1793, elle décide de rentrer précipitamment à Paris. Elle a un rendez-vous secret sur le Pont-Marie à la nuit tombée. Paris est si inquiétant la nuit. Ce pont désert. Ah, je regrette les belles nuits de Touraine, au clos Figuier. J'avais fui la capitale pour vivre au milieu des fleurs, herborisées comme Rousseau, laisser libre cours à mes rêveries, à ma raison sensible, et me voilà de retour à Paris. Mais mes amis sont en danger. Personne. Louis a peut-être déjà été arrêté. J'arrive trop tard. Il y a une ombre sous le pont. Olympe ! Hé, par ici. Louis ? Louis, qu'est-ce qui se passe ? Tout est perdu. Hier, 80 000 citoyens de la garde nationale en armes ont cerné l'Assemblée. Ils voulaient taxer les riches, des secours publics aux plus pauvres, que le prix du pain soit à 3 sous. Ils ont exigé l'exclusion des Girondins. Quoi ? 32 députés girondins sont décrétés d'arrestation. Mais comme si 32 victimes pouvaient régler les choses. Ils sont dans quelle prison ? Non, ils sont chez eux, en résidence surveillée, pour l'instant. Tous ceux qui n'ont pas voté la mort de Louis XVI risquent l'échafaud, c'est ça ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Nous allons signer une protestation. Nous sommes 75 députés girondins encore libres. Mais pour combien de temps ? Pars à présent, qu'on ne te trouve plus avec moi. Adieu, ma chère Olympe. Attends ! Attends. Demain, j'adresserai une lettre à l'Assemblée en solidarité avec la Gironde. Il faut défendre la démocratie. Louis, mon cher frère, que faire de plus ? C'est ce que Rousseau disait. On peut acquérir la liberté, mais une fois perdue, on ne la recouvre jamais. Adieu. Adieu, mon cher Louis. Hier soir, j'ai vu la terreur dans les yeux de Louis. Si je dois mourir par le fer des contre-révolutionnaires, je veux avoir le courage de servir encore une fois mon pays. Il faut écrire. Mais pour qui ? Qui est encore en état de m'entendre ? Je n'accuse personne. Je n'accuse personne, mais homme de sang, quand le peuple sera revenu de son égarement, il vous demandera compte du sang que vous lui aurez fait verser. Ah, s'il en est encore temps, mettez un frein à vos haines. Citoyens, vous pouvez me donner la mort, mais vous vous rappellerez mes prédictions. Citoyenne, peut-être un jour ma mémoire vous sera-t-elle chère. Cher. Mais vous travaillez dépôt trop miné ? Dites, aujourd'hui on fait transporter les meubles au clos Figuier. Ah oui, j'avais oublié. Ah Justine. J'ai si hâte de quitter Paris. On sera bien là-bas, ça oui. Vous pensez qu'on y sera à temps pour les moissons ? Sinon quand ? Dans un mois ou plus tard, Justine. Oui, oui, tout ira bien. Allez, va maintenant, je dois finir. Après, tu iras chez l'imprimeur, hein, que ce soit tiré dans la journée. Le clos Figuier, que ce nom est doux. Ah, je me suis promis ce bonheur. Bientôt, bientôt. Allons, finissons. Je pense que je vais mettre en titre... Mon testament... Mon testament politique. Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, ils en ont besoin, et mon âme aux femmes. Mon génie créateur sera utile aux auteurs dramatiques, mon désintéressement aux ambitieux, ma philosophie aux persécutés, mon esprit aux fanatiques, ma religion aux athées et ma franche gaieté aux femmes. Signé Olympe de Gouges. Signé Olympe de Gouges, ce 4 juin 1793, an 2 de la République française. À qui l'envoyer ? Danton ? Il défendra mes principes. Et aux Jacobins des sections de Paris. Ce sont de bons citoyens. Ils sauveront la cause publique. Olympe envoie son testament le 9 juin à la Convention, qui n'en prend pas connaissance. Elle prépare son retour au clos Figuier. Mais le 24 juin, une nouvelle constitution est ratifiée et le bruit court que des arrestations vont être décrétées. Ce 8 juillet, Olympe accourt chez Sophie et Nicolas Condorcet, rue de Lille. C'est Olympe. Quel malheur. Entre. Nicolas a été arrêté? Ils sont venus le chercher à 8h à Auteuil. Il n'était pas là. Je le croyais ici. Comme tu vois, il n'y est pas non plus. On a dû le prévenir. Il s'est caché, ne t'inquiète pas. Depuis le 3 juin, il craignait son arrestation. Mais pourquoi est-il resté? Il pensait les ramener à la raison. Ta fille est avec toi? Oui, elle dort. Elle est si sensible. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai entendu Nicolas lui parler. C'était étrange. Elisa n'a que 3 ans. Il disait qu'elle devait avoir confiance dans le courage de sa mère. J'ai compris qu'il s'attendait au pire. Olympe, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Quand tout sera fini, il faudra y réfléchir. Tout est si confus, Olympe. Nos biens ont été saisis. Je pense me remettre à la peinture. Grâce à mes portraits, nous survivrons, ma fille et moi. Mais si je venais à être emprisonnée? Tu dois te cacher au plus vite. Mais où? Le marquis de Grouchy, mon père, ne veut plus me voir depuis des années. Sa fille, une républicaine. Tu sais, Olympe, nous parlions avec Nicolas d'écrire un livre sur l'infinie capacité de progrès vers le bonheur commun. Vous l'écrirez, Sophie. Mais à présent, il faut fuir. Malgré la répression, Olympe reprend la bataille politique et rédige une nouvelle affiche. Les 3 urnes, le salut de la patrie, par un voyageur aérien, qu'elle fait tirer à 1000 exemplaires sur fond jaune le 17 juillet. Mais le 20 juillet 1793, Olympe de Gouges est arrêté devant les grilles du palais de justice. Un membre du comité de salut public l'interroge. Après avoir confirmé être l'auteur de l'affiche, elle est transférée à la prison de l'Abbaye à Saint-Germain-des-Prés. Ma jambe me fait mal. J'ai besoin d'un médecin. On ne me laisse pas changer de linge. Ah, citoyen, si tu savais ce que les magistrats soi-disant populaires commettent en ton nom. L'esprit public est dévoyé. Ah, ces traces sur le mur. Le sang des prisonniers massacrés le 2 septembre. Quelle douleur. J'ai de la fièvre, je crois. Que me veulent-ils? Moi qui étais là aux premières heures de la Révolution. En 1788, quand j'ai lancé une caisse de solidarité révolutionnaire, où étaient-ils ces républicains de 4 jours qui m'inculpent, moi, une vraie républicaine? J'ai écrit en sentinelle intègre, libre et indépendante. Voilà ce que les tyrans modernes ne pardonnent pas. Mais je ne ferai pas silence, même au fond du tombeau. Donnez-moi une plume, de l'encre et du papier! Déjouant la surveillance, elle fait sortir de prison un texte qui est affiché dans Paris, intitulé « Au tribunal révolutionnaire », où elle argumente pour sa défense. Mais le 17 septembre, une loi est votée qui permet l'arrestation de tous ceux suspectés d'être contre-révolutionnaires. Le 30 octobre, la Convention dissout les clubs et sociétés de femmes, les excluant ainsi de la politique. 2 jours plus tard, le 2 novembre, Olympe de Gouges est conduite devant le tribunal révolutionnaire. L'accusateur public est un substitut de Fouquier-Tinville. Malade et faible comme je suis, comment vais-je avoir la force? Oh, qu'on en finisse, que l'on me juge. La mort ou la liberté? Nom, prénom, qualité. Olympe de Gouges, femme de lettres. Où est mon avocat? Il ne veut plus se charger de votre cause. Vous mettez tant d'orgueil à défendre vos amis, vous saurez bien démontrer seul votre innocence. Donc, vous avez débuté dans la comédie. Quand la révolution a éclaté, vous avez prétendu rivaliser à la tribune avec les orateurs et vous écriviez sur tous les sujets politiques. Je n'écris que d'après mes yeux et j'ai servi mon pays d'après mon âme. Venons-en aux faits qui vous sont reprochés. À savoir, cette affiche intitulée « Les 3 urnes ou le salut de la patrie ». Il y est proposé de rétablir la paix en France en consultant la nation. 3 choix sont mis au vote. La République fédérative, une idée de la Gironde où chaque département est autonome. Et en 3e choix, le retour à la monarchie. Vous comprenez en quoi ces 2 dernières propositions s'opposent au principe de la République une et indivisible, inscrit à l'article 1er de la Constitution adoptée le 24 juin. Je l'ai composé en voyant que Bordeaux, Lyon, Marseille voulaient marcher sur Paris. Je me suis mise en tête que si chacun votait pour le gouvernement de son choix, on éviterait la guerre civile. Mais la majorité des Français s'est prononcée aux élections pour le gouvernement républicain. Moi aussi, je suis pour la République, et depuis longtemps. Les jurés peuvent le voir dans ma pièce de théâtre, intitulée « De l'esclavage des Noirs ». Elle date de 1784. Vous, républicaine. Messieurs les jurés, On ne peut s'y tromper. Cette criminelle a des intentions perfides. Elle n'a cessé de calomnier l'ami du peuple, Robespierre. Je l'ai poursuivi comme je poursuis tous les tyrans. Écoutez-moi, messieurs. Contrairement à d'autres, la révolution n'a pas été pour moi un moyen de m'enrichir. Ma conscience est pure. Elle est mon défenseur. Les lois républicaines le promettaient. Aucune autorité illégale ne frappera les citoyens. Et voilà qu'un acte arbitraire me ravit ma liberté. Même dans l'Ancien Régime, on aurait rougi de voir exercer une telle censure sur les œuvres de l'esprit. La liberté des opinions et de la presse n'est-elle pas consacrée dans la Constitution ? N'est-ce pas le plus précieux patrimoine de l'homme ? Ces droits, cette Constitution ne seraient alors que des phrases vagues au sens illusoire ? Républicains, écoutez-moi jusqu'au bout. On vous a entendu. À présent, le jury doit répondre à deux questions. Cet écrit tend-il à établir un pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple ? Olympe de Gouges est-elle l'auteur de cet écrit ? Condamnée à mort. Je suis un être sensible et humain. J'ai œuvré au bonheur public et je n'ai pour loi que la littérature. Quel est le crime qui me vaut la guillotine ? J'ai écrit, voilà tout ce que j'ai fait. Mon fils me fera justice. Au citoyen de Gouges, officier général, je meurs, mon cher fils, victime de mon amour pour la patrie et pour le peuple. Ses ennemis sous le masque du républicanisme m'ont conduite à l'échafaud. On a violé toutes les lois pour la femme la plus vertueuse. Rappelle-toi de mes prédictions. Je te laisse la reconnaissance de mes bijoux au mont de piété. Je meurs, mon fils, mon cher fils. Je meurs innocente. J'espère qu'on la lui remettra. Dans ma déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, j'écrivais que nul ne doit être inquiété pour ses opinions et que si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir celui de monter à la tribune. Olympe de Gouges, une femme en politique, de Christine Spianti, avec Olympe de Gouges, Jeanne Brouet, Louis-Sébastien Mercier, Christophe Brault, Sophie Condorcet, Tiphaine Rabault-Fournier, Justine, Eva Blanchard, Madame Meunier, Élodie Vincent, le passager de la calèche, Julien Muller, l'agresseur, Pascal Volimacci, le substitut, Bruno Pavio, bruitage, Élodie Fiat, prise de son, montage et mixage, Pierre-Henri et Titouan Labarre, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Baptiste Guiton. Olivier Blanc, nous avons laissé Olympe de Gouges le 2 novembre 1793 à l'issue de son procès expéditif sans avocat. Elle aurait pu sauver sa peau en fuyant Paris, mais courageusement, elle est revenue à Paris pour adresser une lettre de protestation après l'arrestation des 32 députés girondins. Elle aurait pu éviter cette condamnation ? Oui, alors c'est très important. Oui, votre question est importante parce que, en fait, c'est ce contexte-là de l'élimination des girondins, c'est-à-dire de 32 girondins, mais en réalité 150 députés girondins vont être arrêtés ou exécutés. Certains d'entre eux vont se suicider, d'autres sauveront leur peau, comme Louvet. Mais c'est ce drame terrible du 31 mai 1793 qui a décidé Olympe de Gouges à revenir de Touraine, où elle s'apprêtait donc à se retirer dans une chaumière qui existe toujours, et pour venir à Paris, et donc s'adressant à la Convention, en lui reprochant d'avoir perdu de sa splendeur. Donc sa lettre a été censurée, et c'est vraiment c'est à ce moment de bascule, si vous voulez, cet événement extrêmement grave qui donc est un attentat à la souveraineté du peuple, qui a engagé Olympe de Gouges à convoquer donc des assemblées primaires pour que chaque Français puisse s'exprimer sur le gouvernement de son choix. Alors j'ajoute que le gouvernement royaliste, elle entend royaliste constitutionnel. Oui, elle est pour une monarchie constitutionnelle. Une monarchie constitutionnelle et une république pour Carnot, pour Lazare Carnot, c'est quasiment la même chose. Ce qui est très différent, c'est la monarchie absolue. Mais en 1793, elle est quand même extrêmement courageuse de prendre ainsi la parole pour défendre les Girondins qui viennent d'être arrêtés. Il n'y a pas grand monde à ce moment-là pour oser prendre la parole contre Robespierre. Très peu, très peu. Elle a un courage inouï, c'est une femme tout à fait remarquable. Il y a très peu d'hommes à l'époque qui se sont donc dressés contre cette situation où les maratistes se sont quasiment emparés du pouvoir pour, donc, leur idée étant de renverser la Convention. Ils ne se sont bornés à donc éliminer la partie modérée de l'Assemblée, mais ça a été un tout à fait dramatique. Et on a eu une autre femme à ce moment-là, qui a réagi d'une autre manière, c'est Charlotte Corday, qui était républicaine, contrairement à ce qu'on écrit, et qui a assassiné Marat en juillet 1793. Le 13 juillet. Et Olympe va vouloir publier son affiche Les Trois Urnes une semaine après l'assassinat de Marat. Donc on est vraiment dans un contexte de grand trouble. Un contexte de guerre à l'extérieur, guerre à l'intérieur. La guerre, exactement, et la guerre civile qui pointe son nez, qui est vraiment se développe depuis mars en Vendée, et puis à Lyon et dans d'autres villes, il y a des embrasements. Et alors, en effet, les royalistes profitent un petit peu de cette situation de trouble pour effectivement intriguer. Il y a en effet une situation qui est vraiment dramatique, mais on ne doit pas confondre les Girondins, Olympe de Gouges, avec les royalistes. Avec des anti-révolutionnaires. C'est des ambitions tout à fait différentes. Les royalistes étant pour donc un retour de la monarchie en France. Alors que les Girondins, mouvement auquel appartient Olympe de Gouges, c'est un mouvement tout à fait humaniste, avec des idées d'avant-garde. C'est un mouvement qui est à la fois social et libéral, où les questions sociétales sont en pointe. Donc elle est condamnée à mort le 2 novembre 1793, et la justice ne perd pas de temps. Elle est guillotinée dès le lendemain, conduite en charrette depuis la prison de la Conciergerie jusqu'à la place de la Révolution, qui est l'actuelle place de la Concorde, devant une foule nombreuse qui la conspue, j'imagine. Donc la Révolution a été sévère pour Olympe de Gouges, la postérité va l'être aussi. Elle est mal vue au XIXe siècle, on la considère un peu comme une femme légère parce qu'elle n'est pas mariée. Lamartine, par exemple, dans son histoire des Girondins, l'ignore totalement. Oui. C'est au XXe siècle qu'elle va être découverte, notamment pour sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Oui. Mais vous le dites, Olivier Blanc, elle n'a pas fait que cela. Et c'est récent finalement qu'on la redécouvre dans sa complexité aussi. De femmes politiques travaillant sur tout, en fait, tous les aspects de la Révolution. Oui, en fait, vous savez, l'historiographie est un lieu des manipulations, comme chacun sait, les manipulations politiques ou autres, et les femmes n'ont pas échappé à cela. Il y a énormément de femmes remarquables que l'histoire a oubliées sciemment, on va dire, et qu'on redécouvre aujourd'hui grâce donc à des travaux universitaires patients qui permettent effectivement de remettre les choses à leur juste place. Donc Olympe de Gouges, malheureusement, a été très maltraitée par l'historiographie, mélange d'ignorance et de mauvaise foi. Mais oui, vous avez permis justement de faire connaître mieux ces textes, de les redécouvrir. Vous avez aussi redécouvert des affiches, ces affiches qu'elle faisait placarder dans les rues. Oui, c'est extraordinaire. Et vous avez retrouvé des affiches d'elle, signées de son nom. Oui, elle avait entamé une campagne d'affiches. Elle a inventé une forme d'expression de l'engagement politique au féminin qui est tout à fait extraordinaire. Elle est la première, en fait, à avoir donné consistance et respectabilité à l'engagement politique au féminin. Et cette campagne d'affiches passionnante qui commence en 1792 et se termine avec sa dernière affiche. Avant son arrestation. Ouais. Voilà, une patriote persécutée. Non, une affiche qu'elle a publiée en prison. Ah oui, c'est alors vrai. Qu'elle était à un mois de comparaître au tribunal révolutionnaire. Et dans cette affiche, elle a le courage, en fait, d'invoquer les grands principes et de ridiculiser Robespierre et Fouquier-Tinville et d'insister sur leur double discours. Cela fait de longues années, Olivier Blanc, que vous battez pour l'entrée d'Olympe de Gouges au Panthéon. En janvier 2023, un collectif d'historiens, d'écrivains et d'élus, dont vous, a publié dans Le Monde une tribune demandant encore la panthéonisation d'Olympe de Gouges. Si elle arrive, de quoi cette panthéonisation serait-elle le symbole ? Ben, une reconnaissance d'une grande républicaine qui est un personnage tout à fait extraordinaire, qu'il faut remettre à sa place, qui en même temps est inspirante et probablement aussi un repère aussi historique pour les plus jeunes, les nouvelles générations. C'est un personnage positif qui, à travers ses combats, à travers ses choix de vie, son courage, doit effectivement nous inspirer, inspirer les nouvelles générations. Alors, il y a de grands progrès. Aujourd'hui, vous savez qu'elle a sa place à l'Assemblée nationale, oui, à travers un buste. Elle a été remise dans les programmes scolaires. Enfin, il y a un certain nombre de villes, de provinces qui donc lui donnent un nom de rue, de boulevard, de médiathèque, de maternité. Il y a un travail en France de reconnaissance à faire. Je pense que la panthéonisation serait vraiment bienvenue pour hisser Olympe de Gouges au niveau des grands hommes de la République. Merci beaucoup Olivier Blanc. De vous, on peut lire Olympe de Gouges 1748-1793, des droits de la femme à la guillotine, qui est disponible en poche dans la collection Texto chez Talendier, de Michel Perrault, des femmes rebelles, Olympe de Gouges, Flora Tristan, Georges Sand, publié chez Elisade Poche, et puis plus récemment de Cécile Berly, Guillotinée, Marie-Antoinette, Madame du Barry, Olympe de Gouges et Madame Roland, paru aux éditions Passé Composé. Dans le tumulte de la Révolution française. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 5, Marie-Antoinette et Axel de Fersen, son amant secret. L'amant qui, en 1792, tentera de sauver la reine.